et j'en remets. De la veille, je m'en suis pas remis. Une baston, tu peux t'en remettre. La deuxième peut t'enlever ta vie. Je suis à 2 kilomètres. Et je m'en fous de ton avis. Donc, si tu viens te mêler de ma vie, gros. Tu sais très bien qui je suis. Tu sais très bien qu'il faut suivre. Et quand tu fais un prix, à qui tu donnerais ta vie? Bombarde à fond dans la ville. Et pourquoi tu fais le match? Déjà en cours, je rentrais pas tant qu'ils avaient pas regardé mon sac. Au fond de la classe, je suis seul. J'attends que ça sonne. La prof fait le zoom. Elle a cru que j'allais finir en tôle. Et toi petit, moi j'étais pas dans les yeux, mais on m'a plutôt écarté. C'est le petit rebeu qu'on avait rien à branler. Jamais rien à gratter. La putain de sa mère. Je donnerais tout pour la vie de tes frères. Elle faudrait que tu te la fermes. Quand je t'entends parler, ça me fout les nerfs. Je sais qui c'est les plus déter. Merde, je sais qui c'est qui sort le fer. Merde, je sais qui sont vraiment tes frères. Merde. Complètement bourré, j'en remets. Complètement bourré, j'en remets. De la veille, je m'en suis pas remis. Tu me bats sur, tu peux t'en remettre. Mais la deuxième peut t'enlever ta vie. Je suis à 2 kilomètres. Et je m'en fous de ton avis. Donc, qu'est-ce que tu vas te mêler de ma vie, gros? Tu sais très bien qui je suis. Complètement bourré, j'en remets. Elle a peuf, elle est calée dans le thème. Laissez-moi, je suis dans le tel, pisté, trop le seum. Des échos sur mon tel, frappe, frappe, frappe, frappe, qui atteint ton beau cerf. Mais pour qui tu te prends, mec? Je suis rentré dans le cercle, j'arrête pas de te surprendre, mec. Au PJ me parle, je lui réponds de quoi tu me parles, toi. Je suis pas une star, me questionne pas, tu connais l'histoire, toi. Hey, une basto, c'est plus basta. Y'a plus personne quand j'y baston. Ta relation elle est pas stable. C'est une grosse pute qui ramasse tout. Pécho et puis castron. Aha, ne fais pas le sourd. Les rumeurs sont véridiques. Une bouca, vache un discours. Hey, mets-toi sur le tech. Je vais te montrer comment les faire. Toi nique ta mère. Si je t'écoute bas, je prends du fer. Tu donnerais tout pour la vie de tes frères. Elle faudrait que tu te la fermes. Quand je t'entends parler, ça me fout les nerfs. Tu sais qui c'est les plus déter, merde. Tu sais qui c'est qui sort le fer, merde. Tu sais qui sont vraiment tes frères.